fais une thèse de sociologie sur les conflits du travail dans des secteurs d'emploi féminins. Et donc, féminin entre guillemets, ce que j'entends par là, c'est donc des secteurs où la main-d'œuvre est très féminisée, mais aussi dans lesquels les métiers exercés sont construits comme typiquement féminins. Et donc, l'idée pour moi, enfin là, pour ma thèse, c'est de prendre ces mobilisations comme une expression que j'aime beaucoup, des lieux de travail du genre. C'est une expression d'Olivier Filleul, qui est sociologue. C'est-à-dire des situations de mobilisation où les rapports de genre, à la fois pour ce qui est du travail et ce qui est du militantisme, sont un peu questionnés, deviennent un enjeu, quelque chose qui est en jeu, quoi, qui est travaillé par ces situations-là, qui sont un peu des situations un peu de nœuds où ça ne se passe pas trop comme d'habitude, alors on ne sait pas trop. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui se rendent visibles à ces occasions-là. Et donc je travaille par étude de cas, donc vraiment de la micro-sociologie, et donc une enquête sur l'entreprise Chantel dont je vais vous parler aujourd'hui. Et puis là, je commence en ce moment une enquête sur le secteur tertiaire plutôt contemporain, avec une enquête sur les salariés de la petite enfance, donc ce qui peut paraître rien à voir, mais le parallèle sera sûrement intéressant à la finale. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de jouer un peu le jeu de la monographie, et donc de retracer l'histoire des ouvrières de l'usine de confection de lingerie Chantel de Nantes, donc de son ouverture en 1967 jusqu'à sa fermeture définitive en 2005. Il me paraît assez intéressant au titre du thème du séminaire, donc transmission et partage, femmes au travail, de redécrire finement les carrières professionnelles de ces ouvrières. L'intérêt de cette étude sur un cas très petit étant de pouvoir les suivre de l'embauche à la sortie de l'usine. Donc au fil des âges de la vie, des évolutions de la situation de travail et un élément important à Chantel au fil des luttes. Et puis bon, j'essaierai de tirer quelques fils un peu à certains moments. Mon enquête sur cette usine, ce sont d'abord et avant tout des archives syndicales que les sections CGT et CFDT de l'entreprise ont déposées dans un centre d'archives à Nantes, donc qui regroupe des tracts, enfin des archives syndicales classiques, mais aussi beaucoup d'archives de l'entreprise, dans le sens où j'ai tous les comptes rendus de comités d'entreprise, de comités centraux d'entreprise, etc., auxquels l'entreprise donne des informations assez poussées sur... Voilà, du coup, j'ai eu accès à pas mal de documents de l'entreprise, finalement. J'ai travaillé un peu sur les archives de l'inspection du travail, surtout sur le début et la fin de l'entreprise. Et puis, bien sûr, des entretiens avec d'anciennes salariées, syndicalistes, mais aussi ouvrières moins militantes, etc. Et un matériau qui a été très important aussi, c'est qu'en fait, en 1994, lors d'un gros conflit à Chantel, des militantes féministes ont fait un documentaire sur elles, en fait. Et en fait, j'ai récupéré tout ce matériau-là. Donc, c'est une dizaine, quinzaine d'entretiens de type histoire de vie avec des ouvrières, plus des entretiens vidéo sur leur vie au travail, les grèves, etc. Donc, ça, c'était vraiment super pour moi d'avoir aussi le discours de ces femmes-là sur le moment même, un peu. Voilà. Donc, je continue encore cette enquête à ce jour. Donc, il y a des choses qui me manquent encore, hein, mais. Alors, pour vous donner quelques points de repère avant de commencer, donc Chantel, ouverture en 67, premier grand conflit en 1981, deuxième grand conflit en 1994 contre la fermeture de l'usine, qui est annoncée. L'usine ferme, mais est négociée dans le plan social le maintien d'un petit site Chantel sur la commune voisine, donc Couëron. Chantel, c'était à Saint-Herblain, donc tout ça, c'est dans l'agglomération nantaise. Donc il y a un petit site qui se déplace à Couëron avec une quarantaine d'ouvrières de l'ancienne usine. Et cette deuxième usine donc fermera, elle, en 2005. Après un autre conflit aussi. Donc en gros, la fin de Chantel à Nantes, c'est 2005. Donc je vais reprendre un peu le fil. Donc Chantel. Donc Chantel, c'est une entreprise familiale qui est fondée par Jean Kretz en 1939 sous le nom de Société Nouvelle des Établissements Kretz, qui reprend déjà à l'époque... une entreprise familiale. Donc jusqu'en 1949, l'activité principale est textile. Donc c'est fabrication de tricots élastiques qui servaient à confectionner des corsets et des bas de contention, surtout. Puis l'entreprise se lance dans la confection avec le lancement de la gaine Chantel, avec ce slogan phare, Chantel, la gaine qui ne remonte pas. Donc à partir du début des années 60... voilà, donc ça c'est dans les années 50 plutôt. Après les années 60, la société s'oriente aussi vers les soutiens-gorge et finira par complètement arrêter de faire des gaines pour se concentrer sur les soutiens-gorge. Donc l'entreprise se développe beaucoup entre 1965 et 1975, moment où elle atteint le millier de salariés en France. Donc, alors même que le secteur de l'habillement est déjà en déclin, Chantelle se développe sur un marché haut de gamme. Donc, c'est vraiment des Chantelle à la base, ça a changé aujourd'hui, mais c'est des soutiens-gorge vraiment haut de gamme. Donc, ça protège un temps la main-d'œuvre française d'un processus de délocalisation. Donc, le siège social est à Paris. Il y a deux sites industriels, un dans l'Aube, à Romilly, qui est le berceau de Chantelle, qui est une usine plutôt tournée vers le textile, qui fermera en 84. Un autre site à Épernay, dans la Marne, une usine de confection, qui était ouverte en 1962 et qui est toujours ouverte aujourd'hui. Et donc Chantelle, après ça, ouvre donc une usine à Nantes en 1967. Donc elle est implantée dans une zone industrielle, enfin le type de zone industrielle qui se développe beaucoup à cette époque-là, de l'industrie légère avec beaucoup de petites entreprises, etc. Pour info, voilà, il y a une autre usine qui sera ouverte en 73 à Lorient, dans le Morbihan, qui est toujours ouverte. Aujourd'hui, il reste deux usines de confection en France, Chantelle, à Épernay et à Lorient. Mais, bon, enfin, j'en reviendrai plus tard, mais ça représente une toute petite minorité des ouvrières de confection de l'entreprise. Donc voilà, à Nantes, en 1967, d'abord, 32 personnes y travaillent, puis les effectifs grimpent très rapidement. En 1969, elles sont 193, 330 en 70, 472 en 73. Enfin, ça grimpe vraiment très très vite. L'apogée des effectifs à Chantelle-Nantes, c'est début, milieu des années 70. Vous me dites, parce que j'ai tendance à parler très vite, donc vous me dites vraiment si c'est... Parce que j'essaie de faire des efforts, mais c'est pas facile. Et donc, l'apogée des effectifs, ce sera 500. Et puis après, ça redescend à 300 début des années 80, pour décroître encore jusqu'à 200 dans les années 90. Donc ça reste quand même une assez petite entreprise à la finale. Alors, par rapport à Renault, ça n'a strictement rien à voir. Donc le choix de Nantes pour la direction, pour implanter cette usine-là, se justifie notamment par la possibilité de recruter une main-d'œuvre importante et quasi exclusivement féminine dans un temps très court. Donc en effet, les personnes embauchées à Chantelle pour les postes de mécanicienne en confection, donc c'est les ouvrières qui sont à la machine à coudre, hein, qui font les soutiens-gorge, sont toutes de jeunes femmes. Donc moi, pour ce qui est de, enfin pour faire un point, moi j'ai eu accès à deux listes du personnel assez précises, une en 1970 et une en 1993. Donc voilà, j'ai des infos vraiment sur. Et donc pour celle de 1970, qui recense 330 personnes, donc il y a 307 femmes et 25 hommes sur toute l'entreprise. Donc la moyenne d'âge à l'embauche des femmes est de 21 ans tout poste confondu et de 19 ans pour les mécaniciennes. Et par contraste, la moyenne d'âge à l'embauche des hommes, donc de 25 hommes, tout poste confondu, est de 30 ans. Donc j'ai eu des infos un peu sur l'origine des femmes embauchées. Donc après, c'est de l'autodéclaration. Donc des fois, il y a des intitulés qui sont un peu... Bon, j'ai pu voir quand même qu'une grande partie était ouvrière dans d'autres usines avant d'être embauchée à Chantelle. Donc mécanicienne, ouvrière de confection, ouvrière en conserverie. Il y a pas mal de conserveries à Nantes à ce moment-là. Pour une cinquantaine d'entre elles, c'était le premier emploi, dont une partie venait d'un CAP couture. Une autre bonne partie venait de la vente. Et puis d'autres étaient employées de maison, femmes de ménage, etc. Donc, avant de revenir sur ce moment de l'embauche et de l'entrée à l'usine de ces jeunes femmes, je vais commencer par présenter un peu l'organisation du travail dans l'usine. Donc, il y a différents services qui interviennent dans la chaîne de production, donc le laboratoire, le magasin des matières premières, le planning, la coupe, le conditionnement, l'atelier de confection, la mise en caisse, le magasin des produits finis. Donc le laboratoire teste toutes les matières premières qui arrivent en cherchant les possibles défauts, donc les gommes filées, les trous, les accros, etc. Ensuite, les matières premières sont amenées par le magasin au planning. Donc là, on fait des tracés, c'est-à-dire qu'on découpe dans le tissu les soutiens-gorge, puis on les coupe, donc dans le service de la coupe, à la scie. Une fois que c'est scié, ça passe au conditionnement. Donc là, dans des bacs de 40 ou de 80 articles, on met tout ce qu'il faut, donc l'armature, les bretelles, tout ensemble. Et ensuite, c'est emmené à l'atelier où les filles piquent, donc c'est-à-dire qu'elles assemblent tout ça ensemble pour faire un soutien-gorge. Et puis à la fin, bien sûr, c'est amené au magasin où ça repart. Donc la grande majorité des salariés travaillent dans l'atelier de confection, qui constitue, enfin, il faut imaginer, enfin, je pense qu'on a toutes un peu des images de ces très, très grands ateliers où les machines à coudre sont alignées les unes derrière les autres. Voilà, donc c'est vraiment un grand espace. Donc il regroupe 79% de l'effectif total et 85% des femmes. Donc ce sont en majorité des mécaniciennes, donc qui, pour les débuts des années 70, là, sont stables pour la plupart, c'est-à-dire qu'elles ne travaillent que sur un seul poste, une seule opération. Et certaines, celles qu'on appelle les volantes, sont polyvalentes, donc elles sont payées un peu plus cher que les autres et elles sont formées sur plusieurs postes. Bon, ça changera par la suite, cette question de la stabilité ou de la polyvalence, mais au début, c'est comme ça. Et les mécaniciennes représentent 71% des femmes de l'usine et 66% de l'effectif total. Mais dans l'atelier, il y a aussi d'autres postes, des réparatrices, des contrôleuses, des finisseuses, etc. Donc, toutes les mécaniciennes travaillent dans le même atelier, mais elles sont divisées bien sûr en sections. Donc, au début, quand la production est encore assez diversifiée, il y a par exemple la section soutien-gorge, la section gaine, petite gaine, combinée, etc. Donc, par exemple, la section petite gaine regroupe 18 mécaniciennes. Donc, des exemples de postes de pose renfort, couture côtée, surfilage plaque, bordage remplissage, pose bouton. Voilà. Vraiment, c'est un morcellement du travail qui est très très poussé. Et puis, une contrôleuse en cours. Donc, l'atelier de confection constitue vraiment le cœur de l'usine. Donc, les mécaniciennes ont toutes la même classification, donc coefficient 111, catégorie 4, ça ne changera jamais du début jusqu'à la fin de l'entreprise. Elles sont payées au rendement individuel, c'est-à-dire qu'elles ont un salaire de base le même pour tout le monde et qu'elles reçoivent un boni en fonction de leur taux de rendement. Donc, le rendement minimum exigé par ouvrière est à 75%, puis 85% à partir de 1980, donc à partir d'une norme d'activité fixée à 100, quoi. Donc, des cadences de travail leur sont imposées en fonction de mode opératoire, donc défini par le bureau des méthodes. Et donc, ça, j'ai pas eu, enfin, j'ai juste eu un document des méthodes sur l'opération assemblage et surpiquage bâbonnet. C'est un cycle de 19 secondes par article. Donc, ça donne un peu une idée de la rapidité exigée. Donc, les produits sont aussi contrôlés par des contrôleuses en bout de chaîne, et puis bien sûr, après, ils sont expédiés en magasin. Donc à côté de ça, il y a un atelier de mécanique qui est exclusivement composé d'hommes, donc qui s'occupe de l'entretien, de la réparation des machines. Et dans les bureaux, il y a le bureau des méthodes qui étudie les nouveaux modèles, définit les modes opératoires. Et puis bien sûr, après, un bureau de comptabilité qui est en charge des payes et du calcul des boni. Et la direction de l'établissement de Nantes qui se compose toujours au moins d'un directeur général et d'un directeur du personnel. Sachant qu'il y a aussi des... Pardon. Le bureau des méthodes, c'est homme ou femme? C'est femme. Le personnel est féminin. Ouais, mais je vais revenir sur cette question, mais le chef du bureau des méthodes est un homme, mais sinon c'est des employés femmes. Qui du coup... Oui, allez-y, je vous en prie. Est-ce qu'il y a des étapes qui sont faites à domicile, parce que c'est mon dada? Et bon, j'ai vu ça dans une petite ville du Nord dont j'arrive pas à retrouver le nom comme ça tout de suite, mais je vais retrouver, qui fait de la dentelle mécanique, qui fait des soutiens-gorge. Et donc, ils font des bandes de soutiens-gorge maintenant. Là, j'ai interviewé une femme en 2007, et le découpage des soutiens-gorge se fait à la main par des ouvrières à domicile, parce que la machine n'est pas assez précise. Est-ce que là, il y a quelque chose, il n'y a pas du tout d'intervention extérieure? Ah non, non, jamais, c'est... C'est tout dans l'usine. Ouais, tout est fait dans l'usine du début à la fin. Ouais. Ça n'a pas changé. Après, ouais, ouais. Voilà. Et du coup, oui, bien sûr, Chantelle, c'est un groupe, hein, donc elle a l'équipe de direction à Paris aussi, et qui prendra de plus en plus d'importance après. Donc, pour ce qui est de la division du travail, justement, donc les différents services se côtoient dans les lieux communs de l'entreprise, hein, donc le réfectoire, le coin pause, les vestiaires, qui sont séparés, hein, pour les hommes, hein, pour la maîtrise, hein, pour les ouvrières. Sachant que je vais revenir, mais la maîtrise, ce sont des femmes. Donc voilà, il y a une distinction entre hommes et femmes, mais il y a une distinction entre femmes. Et donc, pour ce qui est de la distinction entre hommes et femmes, donc de manière générale, la présence d'une extrême minorité d'hommes au poste d'exécution, c'est-à-dire que les seuls qui sont vraiment à des postes d'exécution, c'est les mécaniciens, qui sont chargés de l'entretien de la machine, et les magasiniers qui portent les gros coupons de tissu et les caisses à l'entrée et à la sortie. Et du coup, cette distinction entre hommes et femmes, elle est relativement inopérante à l'intérieur de l'atelier. C'est-à-dire que les hommes sont mécaniciens, les femmes mécaniciennes, et voilà, ça semble évident. Et d'ailleurs, enfin, juste pour l'anecdote, pourtant une déléguée syndicale CGT, très investie, etc., le jour où un ouvrier déclassé, enfin c'est le seul exemple que je connais de toute l'entreprise où un homme a été ouvrier, c'est parce qu'il a été déclassé pour des raisons diverses. Il a été mis à la machine et ça a été vécu comme quelque chose de vraiment problématique. Et où elle me disait, vous vous rendez compte, un homme a manié de la dentelle, c'était pas possible. Et les syndicats sont battus pour remettre ailleurs, c'était pas possible, quoi. Voilà. Et du coup, par exemple, ces mécaniciens qui sont 8 en 1970 ne sont plus que 2 en 94. C'est-à-dire qu'en 93, il n'y a plus que 5 hommes dans l'usine. Donc c'est vraiment une minorité, minorité. Bon, bien sûr, les autres hommes de l'entreprise qui ne sont donc pas mécaniciens ou magasiniers sont chefs de service, chefs de la coupe, de la mécanique, de la méthode, etc. Mais ce ne sont pas forcément les responsables avec qui les mécaniciennes ont affaire tous les jours. C'est-à-dire s'il y a quelques contremaîtres au début de l'usine, quand il y a beaucoup, beaucoup de monde, etc., très vite, tous les contremaîtres sont des contremaîtresses. Et en 80, oui, comme je disais, en 94, il ne reste plus que 5 hommes dans l'établissement. En fait, il n'y a pas une seule description, enfin, une seule intitulée de poste qui soit mixte dans l'usine. Ce qui fait que, par exemple, en 83, avec la loi Roudy, quand ils sont obligés de faire de rendre des comptes sur l'égalité professionnelle, la conclusion du rapport, c'est qu'on ne peut pas en parler puisqu'aucun poste n'est partagé par un homme et une femme. Voilà, donc ça s'est évacué assez rapidement. Et voilà, de fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui... Il y a une absence quasi quand même des hommes, sachant qu'en plus, les mécaniciens, etc., sont complètement à l'écart de toute la vie collective qu'il peut y avoir dans l'usine. Enfin, c'est vraiment une configuration quasi non mixte, en fait. Donc, les agents de maîtrise, les contre-maîtresses, donc il y en a une par section, et puis il y a la chef de l'atelier, sont des femmes, et donc le port de blouse de couleurs différentes les différencie des ouvrières. Donc, c'est vert pâle pour les ouvrières, orange pour les contre-maîtresses. Et donc, c'est vraiment avec elle que les relations hiérarchiques se passent au quotidien. C'est avec elle que les filles négocient les cadences, les temps, etc. Je reviendrai plus tard sur les relations entre elles. Donc, c'est vraiment elle qui incarne la figure hiérarchique. Et les figures hiérarchiques masculines sont finalement rares. Et la seule sur laquelle se cristallise la tension est la figure patronale, en fait. Le seul homme avec vraiment qui il y a une opposition, il y a quelque chose qui se passe, des tensions, c'est avec le directeur directement. Qui finalement, vu que c'est une petite entreprise, surtout au début, le directeur de l'établissement, il est visible, il est là, il vient dans l'atelier, les filles le connaissent, enfin voilà, c'est pas le directeur très loin dans ses bureaux. Donc avec, là, il s'est passé des choses, enfin il y a eu vraiment des épisodes, ça a été assez, assez important, donc j'y reviendrai aussi. Et pour continuer sur cette distinction, donc il y a donc les celles qui travaillent sur les services, donc laboratoire, planning, magasin, qui sont vraiment un peu à l'écart. Elles ne sont pas ouvrières, c'est-à-dire que celles qui sont un peu au poste d'exécution sont employées. Et c'est vraiment, c'est vraiment à part, quoi. Elles ne participent pas vraiment à la vie de l'atelier. Par contre, les filles de la coupe, donc du service de la coupe, qui sont des ouvrières, c'est vraiment avec elles qu'il y a des enjeux de distinction. Parce qu'il faut noter que les mécaniciennes sont les seules à être payées au rendement. Et que cette unité de condition, en fait, pose un principe de cohésion à l'intérieur de l'atelier et de distinction par rapport aux autres services. Il y a celles qui sont au rendement et les autres. Et ça, surtout à partir du moment où il y aura des dynamiques syndicales, ça pose quelque chose d'assez central. Donc les filles de la coupe, elles ont des quotas à remplir, mais elles ne subissent pas de cadence imposée. Et elles ont un salaire fixe plus élevé. De plus, il y a des petites distinctions qui font beaucoup de choses. Les ouvrières de la coupe ne portent pas de blouse. Elles n'en ont pas besoin. Et donc on dit, dans l'atelier, on dit qu'elles ont une autre mentalité, qu'elles ne peuvent pas comprendre les problèmes de l'atelier de confection. Enfin, c'est vraiment une autre... Mais bon, globalement, les mobilisations, les conflits, les grèves ont plutôt été des moments de rapprochement, en fait, de ces deux services-là, que de vraiment distinction. Voilà, donc on voit bien que les dynamiques de mobilisation viennent assez vite. Mais juste pour ce qui est du travail, on reconnaît là, évidemment, toutes les caractéristiques traditionnelles du travail féminin dans ce secteur, qui sont les cadences, le rendement, etc. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Donc revenons maintenant au moment de l'embauche. Donc Chantal embauche beaucoup à la fin des années 60, début des années 70. Et bien sûr, ça se sait dans le coin, et donc beaucoup de filles postulent. Ce qui revient souvent, c'est que les horaires sont attrayants, parce que la fin de la journée est à 16h30, et c'est notamment très attrayant pour celles qui viennent de la vente. Enfin voilà, c'est vraiment des... Donc elles passent des tests d'embauche, comprenant notamment, ça me fait rire, une question de type « Si un nouveau coiffeur arrive dans le quartier, est-ce que vous laissez tomber votre ancien coiffeur pour aller chez le nouveau ?» qui est, selon l'interprétation des ouvrières, pour tester leur ancrage et leur fidélité face à une main-d'œuvre qui est vue comme un peu instable. Et on leur demande de dessiner un arbre, et apparemment on testait si elles dessinaient des racines ou pas, pour voir si elles... Voilà, voilà. On est à la fin des années 60. Et aussi, bien sûr, les tests de rapidité, dextérité, donc elles ont des pointes à mettre dans des trous en un temps limité, etc. Donc l'entreprise considère qu'elle n'a pas à sa disposition dans la région d'ouvrières de confection déjà formées. Donc elle se dit dans l'obligation de les former elle-même. Donc ça, c'est dans des dossiers qu'elle fait pour avoir des aides financières pour un plan de formation. Et donc les ouvrières sont formées pendant 3 mois dans un atelier à part, à l'usine. Donc CAP couture ou non ne semblait vraiment pas faire de différence. La répartition dans les services se faisait en fonction des besoins. Donc il y a vraiment dès le départ une absence de reconnaissance de leurs qualifications parce que vraiment, qu'elles aient un CAP couture, vraiment à l'embauche, ça ne changeait vraiment rien. Et donc à la fin, on leur desservait leur diplôme de mécanicienne et un petit vin blanc. Et donc les récits que les ouvrières peuvent faire du début de l'atelier est significatif de l'entrée dans l'emploi industriel pour des jeunes filles, comme ça a pu être décrit par Daniel Kerguat, par exemple. Donc voilà, il faut comprendre, elles sont jeunes, elles vivent pour la plupart chez leurs parents, sont célibataires, sans charge familiale, et l'obtention d'un emploi s'inscrit dans une normalité pour des femmes de milieu populaire. Donc d'abord, il y a l'indépendance financière. Donc une ouvrière raconte que juste avant, elle travaillait dans une droguerie pour 50 francs, qu'à Chantelle, à l'embauche, c'est 550 francs par mois. Donc pour beaucoup, c'est quelque chose qui change beaucoup dans leur quotidien, leur vie. Et donc comme la plupart des jeunes filles, elle donne une partie de son salaire à sa mère. Mais bon, l'entrée dans l'emploi signifie quand même une forme d'indépendance nouvelle. Donc dans les récits, ce qui revient souvent, c'est la sociabilité, bien sûr. Même si les expériences à cet égard sont assez diverses en fonction si les filles connaissaient ou non des gens avant d'entrer dans l'usine. Mais faut savoir que en fait, la plupart des filles qui travaillent à Chantelle habitent soit à Saint-Herblain, soit à Couëron, juste à côté, ou un peu plus loin. Enfin, toujours est-il qu'il y a beaucoup d'histoires de sœurs, de cousines, de voisines qui se retrouvent ensemble à l'usine. Enfin, c'était vraiment, donc il y a pas mal de relations sociales finalement, dès avant même qu'elles y entrent. Donc certaines racontent comment elles venaient travailler en Solex, s'attendaient entre copines au coin de la rue pour aller à l'usine. Enfin, des récits qui sont encore tout à fait connus, quoi. Mais bon, en tout cas, toutes elles disent que même si d'autres racontent que c'est difficile de s'intégrer dans une usine de 500 personnes comme ça, elles disent toutes que l'usine, c'est un univers impressionnant qui nécessite un temps d'adaptation. Et souvent, toutes, enfin, celles que j'en compte aujourd'hui, me disent qu'elles ne pensaient vraiment pas rester quand elles y sont entrées. Et de fait, beaucoup sont partis, parce qu'il y a eu un turnover très important jusqu'à la fin des années 70. La première chose, c'est que moi, par exemple, entre mes deux listes du personnel en 70 et en 95, j'ai que 15 filles qui sont sur mes deux listes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un turnover très très important jusqu'à la fin des années 70. Et en fait, au niveau des structures d'âge, sachant qu'elles sont toutes à peu près nées, la date de naissance, c'est 50-51, à peu près, date de naissance. Ça correspond, ces années 70-là, à l'âge des premiers enfants. Donc on peut supposer que beaucoup de celles qui ont été embauchées au début des années 70 ont arrêté de travailler ensuite pour revenir dans l'emploi plus tard. On ne sait pas, mais du moins, on est dans les années 70, donc les carrières discontinues sont encore la norme quand même. Juste pour rappel, le taux d'activité des femmes de 25 à 49 ans en 1968, c'est 44%. Mais comme l'usine arrête d'embaucher massivement à la fin des années 70 et totalement au milieu des années 80, c'est-à-dire qu'à partir du milieu des années 80, Chantelle n'embauche plus, la majorité des filles qui restent à Chantelle sont des femmes qui n'ont jamais arrêté de travailler et qui ont fait toute leur carrière professionnelle dans cette usine. Bon, en tout cas, toutes celles qui sont là en 93, donc première fermeture, ont été embauchées dans le courant des années 70 et n'ont jamais arrêté de travailler. Donc c'est cette population-là de femmes qui connaissent une carrière professionnelle continue qui va nous occuper. Donc une des questions à partir de là, c'est de savoir ce qui attache à l'emploi. Mais j'ai trop peu d'informations sur celles qui sont parties pour pouvoir dire ce qui les différencie de celles qui sont restées. Mais bon, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'essayer de mieux comprendre quelle était la vie au travail à Chantelle, le rapport au travail de ces ouvrières. Et puis, pour ce qui m'intéresse moi plus spécifiquement, le rôle du syndicalisme par rapport à ça. Donc déjà, il faut comprendre que l'usine ne permet pas beaucoup d'évolution professionnelle. Hein, donc tout ça, c'est des choses qui font... Malheureusement, il ne faut que confirmer les analyses par ailleurs, mais bon, ça donne un exemple de plus. Donc à l'embauche, la répartition dans les services, on l'a dit, est un peu aléatoire. Et si quelques-unes ont pu changer de poste dans leur carrière, surtout dans les premières années, la grande majorité des filles embauchées comme mécaniciennes et qui restent à Chantelle restent aussi mécaniciennes jusqu'à la fermeture. Les seules possibilités de promotion en interne étaient de devenir contremaîtresse, mais il semble que ça ait concerné une toute petite minorité. Moi, j'ai seulement quelques cas dans mes archives de... passage de mécanicienne à chef de groupe ou agent de méthode, mais ça concerne vraiment très peu de personnes à la finale. Il y avait aussi beaucoup de premières embauches pour les contremaîtresses. Les contremaîtresses venaient aussi beaucoup d'autres usines de confection de la région. Donc en définitive, pour la grande majorité, c'est vraiment l'immobilisme professionnel qui est la réalité au travail. Donc pour ce qui est du rapport au travail de ces ouvrières, voilà, des choses assez évidentes. Elles le présentent comme le travail comme une nécessité, c'est-à-dire d'abord et avant tout comme une contrainte, une nécessité financière. Une personne me dit, à l'époque, c'était bossé pour faire de l'argent et pas faire un métier parce qu'on l'aimait, ce qui change maintenant avec les années. De plus, travailler dans la confection pour des femmes à l'époque s'inscrit dans une normalité sexuée, hein, clairement. Donc, pareil, j'ai rencontré une personne qui me disait qu'elle aurait, elle, bien aimé continuer les études, mais que c'est sa mère qui l'a forcée à rentrer en CAP couture et à travailler juste après. Enfin, peu d'entre elles le présentent comme un choix positif, en tout cas. Elle parle longuement de la violence du travail au rendement, de la minutie du travail, que ça sur des produits comme ça, en plus, ça se jouait vraiment au millimètre près, on les faisait refaire au millimètre près, et puis bien sûr avec des cadences qui augmentent au fil des années. Et puis bien sûr, cette peur de ne pas y arriver, c'est-à-dire de ne pas atteindre un rendement suffisant et de ne pas avoir un salaire décent. Donc globalement, quand je les rencontre aujourd'hui, elles tirent un bilan plutôt négatif de leur expérience professionnelle. Elles en parlent comme quelque chose de dévalorisant, d'abrutissant, qui minait l'estime de soi. Mais évidemment, elles avaient aussi un minimum de marge de manœuvre dans le travail qui leur permettait de conquérir une forme d'autonomie quand même, un minimum. Donc elles racontent les combines qu'elles développent, c'est-à-dire qu'elles ne suivaient pas toujours les modes opérateurs de la méthode, elles avaient des petites techniques à elles, ou des raccourcis qu'on leur interdisait de faire qu'elles faisaient quand même. Pareil, quand elles avaient des réparations à faire, parce que les réparations, quand on contrôlait leur production, qu'elle était mauvaise, c'était sur leur temps de rendement, c'est-à-dire que ça jouait sur leur salaire à la finale. Donc elles cachaient ça sous leur bac, elles cachaient le bac sous la machine et en faisaient un peu tous les jours en mordant sur la pause repas au café, etc. Ou d'autres travaillaient intentionnellement moins vite pour éviter à tout prix les réparations. Et de toute façon, elles disaient que c'était pas trop bon d'avoir trop d'avance parce qu'évidemment après ils augmentent les temps. Donc si on arrivait à faire son rendement nécessaire, on allait plutôt aider la copine à côté. Voilà. Donc, il semble qu'il y ait pas mal eu d'entraide et de solidarité dans le travail par rapport à ça. Mais bon, encore une fois, les récits sont contrastés, hein, parce que d'autres me parlent de la jalousie, de la compétition qu'il pouvait y avoir aussi quand on voit une voisine arriver très bien à faire son rendement, alors que nous, on y arrive moins bien. Pour ce qui est du rapport aux produits un peu, beaucoup ont l'air d'aimer faire de la couture à la maison, se faire des vêtements, etc. Apparemment, elles s'échangent beaucoup, ça fait partie des discussions quotidiennes, on s'échange des connaissances là-dessus, etc. Certaines me disent qu'elles n'y connaissaient rien à la couture avant de rentrer, qu'elles ont appris en fait, à se faire des vêtements elles-mêmes à l'usine, par le conseil des collègues, et puis bien sûr l'expérience sur la machine, hein, mine de rien. Et puis voilà, de fait, elles confectionnent des soutiens-gorge, et de fait, des soutiens-gorge chantelles. Donc c'est un produit fin, complexe, qui se positionne vraiment dans le haut de gamme, et elles défendent l'idée que malgré tout, elles ont un savoir-faire et qu'elles confectionnent de bons produits. Et voilà, pour la petite histoire, j'ai rencontré une ouvrière aujourd'hui qui, malgré sa colère face à une entreprise qui l'a licenciée à la finale, ne peut porter que des soutiens-gorge chantelles et n'arrive absolument pas à porter autre chose. Parce que il faut savoir aussi qu'on leur faisait faire des essais beaucoup, c'est-à-dire que dans l'usine, on leur demandait d'essayer elles-mêmes les soutiens-gorge, de les porter quelques semaines pour tester les produits. Elles faisaient les modèles un peu aussi. Puis elles avaient bien sûr des soldes, elles avaient des réductions sur les produits qu'elles faisaient. Donc si elles ne vivent pas leur travail comme valorisant ou épanouissant, elles n'en demeurent pas moins attachées aux produits confectionnés et puis mettent en avant, Et donc ça, c'est comme d'autres, comme des choses qu'a pu écrire Margaret Mahoney aussi. Il y a vraiment une revendication d'une certaine forme de professionnalité, c'est-à-dire qu'elles revendiquent vraiment le fait de faire leur travail, de le faire bien et de faire des produits de qualité. Donc bien sûr, au-delà du travail en lui-même, c'est toute la vie au travail qui doit être prise en compte. Donc à Chantelle, l'activité syndicale et militante est centrale. Donc, je vais pas avoir trop le temps de rentrer dans le détail là-dessus, je pourrais. Je vais essayer de rester concentrée sur le travail, mais du moins pour l'histoire. Donc, en mai 68, l'usine vient juste d'ouvrir, elles sortent parce que tout le monde sort. Pour l'histoire, elles sortent dans la zone industrielle, elles se mettent en grève, et puis dans la rue, elles rencontrent une manifestation CFDT qui, du coup, les disent vous n'avez qu'à créer une section CFDT, et elles ont créé une section CFDT comme ça. Après c'est pas un hasard complètement parce que la personne qui l'a créé venait de la JOC, etc. Enfin, voilà, c'était une affinité qui n'était quand même pas non plus un hasard. Il y a une création d'une section CGT en 1972, quelques années plus tard, par des ouvrières qui, elles, ont vraiment hérité d'une forte culture cégétiste par leur famille et qui revendiquent une appartenance assez forte à cette culture-là. Difficile comme toujours de connaître vraiment les taux de syndicalisation, mais en croisant un peu plusieurs informations, il semblait quand même atteindre les 40-50%, ce ce qui faisait vraiment ces deux sections, des grosses sections pour le secteur. Et de manière générale, les ouvrières de Chantelle sont vraiment connues pour leur combativité, hein, que ce soit du côté syndical, politique, enfin, à Nantes, pour tous les militants qui suivent de près ou de loin le mouvement ouvrier, les Chantelles, c'est le symbole des luttes de femmes au travail sur l'agglomération. Vraiment. Donc, il y a une équipe de délégués qui est plutôt stable, en fait. Enfin, les deux délégués syndicales, à la fois la CFDT et la CGT, le resteront tous les deux pendant 35 ans. Donc vraiment, pour distinguer, dans chaque section, il y a, disons, deux leaders qui sont vraiment celles qu'on voit qui font le lien avec l'extérieur, avec les syndicats, avec les structures syndicales, etc., et qui sont vraiment des leaders au sens fort du terme. Et puis tout autour, il y a toute l'équipe de délégués, parce qu'il pouvait y avoir jusqu'à 10 délégués, donc 10 élus du personnel, en recoupant ces délégués du personnel, CHSCT, etc. Elle pouvait être jusqu'à 10, les deux sections réunies. Donc là, il y a pas mal de militantes qui sont vraiment actives, mais qui ne se mettent pas forcément sur le devant de la scène. Puis bien sûr, après, il y a tout ce qu'on appelle les militantes de la base, donc celles qui participent aux grèves, mais qui ne s'investissent pas forcément plus avant, et bien sûr, celles qui ne participent pas. Donc les relations professionnelles sont très investies, hein, tout ce qui est, pour avoir épluché un peu les comptes rendus délégués du personnel et de CE, elles mettent en place des cahiers de revendications très bien construits, elles font des retours aux ouvrières régulièrement, réunions de syndiqués, il y avait vraiment un investissement assez fort de cette activité syndicale. Donc, si on essaie de définir un peu ce qui faisait enjeu, ce qui était revendiqué, bon, après, c'est assez évident. Enfin, voilà, évidemment, les bas salaires. Donc, le salaire au rendement, la suppression du salaire au rendement, c'est une demande qu'elles ont maintenue jusqu'à la fin. Bien sûr qu'elles n'ont jamais obtenu, mais c'était vraiment une revendication récurrente. Le calcul des temps, évidemment, de plus en plus à mesure que la discipline de l'usine se resserre. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui fait débat tout le temps. L'aménagement des postes, ça notamment au CHSCT, donc comité hygiène, sécurité, conditions de travail. Donc elles demandent des chaises adaptées parce qu'elles critiquent les allées qui sont encombrées, des problèmes de chauffage, etc. Et puis bien sûr, même si donc, elles ont toutes le même salaire de base, les mêmes coefficients, etc., entre les différentes sections, il y a des postes qui sont réputés faciles, d'autres plus difficiles évidemment. Notamment le point d'arrêt était réputé un poste très difficile parce qu'on avait les bras dans le vide. Et le bordage aussi, parce que certaines machines avaient des pédales, des doubles pédales, donc le déhanchement, en fait, créait des problèmes de dos. Donc voilà, donc au CHSCT, ils essaient de trouver des solutions à tous ces problèmes-là. Sinon, un autre enjeu fort, évidemment, c'est la dignité qui se cristallise sur le rapport avec la hiérarchie. Donc d'abord, le directeur. Donc il y a eu vraiment quelques figures vraiment détestées, notamment au début de l'usine, avec vraiment l'archétype du directeur qui venait dans l'atelier, qui proposait des jeux de cartes aux filles qui étaient en train de discuter, qui était vraiment avec des remarques. Il y a vraiment beaucoup de tracts à ce moment-là et de discussions sur l'humiliation ressentie par rapport à ces directeurs-là. Mais c'est quelque chose qui se déplace pas mal parce qu'à mesure que le pouvoir en fait, de l'entreprise se déplace au niveau national. Quoi. Mais bon, il faut noter par exemple, ça c'est systématique, et c'est un peu leur fierté, dès que le PDG de Chantelle, M. Kretz, venait à Nantes, les filles débrayaient, c'était systématique. Au point qu'il s'en insurge dans une lettre très drôle à ses salariés en 78, où il leur dit « mais je comprends pas, pourquoi ?» Parce que oui, donc il y a eu Jean Kretz, donc le fondateur de la société, jusque dans les années, début des années 90, c'est son fils qui prend la suite, et qui est encore directeur de Chantelle aujourd'hui. C'est vraiment une entreprise qui est restée familiale encore aujourd'hui. Donc les relations avec la maîtrise sont souvent aussi problématiques. Donc ce qui ressort, c'est vraiment un sentiment d'arbitraire. On parle de réprimande, de surveillance injuste de certaines filles, du favoritisme envers d'autres, de l'utilisation de certains postes durs, comme des punitions. Donc notamment à la coupe, il y avait une presse qui était très grosse et très lourde et très difficile à manier. Et c'était la punition. Donc, voilà. Donc les contre-maîtresses, mais ça c'est pareil, c'est vrai. Enfin, j'ai vu ça dans d'autres écrits sur ce secteur-là. Sont critiquées car elles seraient mal formées, elles ne connaissent pas le travail, elles ne savent pas gérer les équipes, enfin, c'est vraiment ce qui ressort tout le temps. Mais après, selon les filles, ça dépendait vraiment du tempérament des chefs. Il y a vraiment des chefs qui étaient jugés très sympas, et même pour qui il y a eu des mobilisations quand elles se trouvaient mises en danger ou co-caisses. Donc il y a des sections faciles, des sections pas faciles, enfin ça c'est, voilà. Mais en tout cas, du coup ça laisse un sentiment d'arbitraire, quoi. Après, bien sûr, il y a des revendications liées à la sphère domestique, donc pour ce qui est des femmes enceintes, par exemple, donc revendication de l'arrêt du rendement 2 mois avant leur congé maternité, par exemple, des heures de garde pour enfants malades, des heures pour décès d'un conjoint, pour décès dans la famille, etc. Ça, elles en ont obtenu pas mal, finalement. Et puis, la question de l'emploi, évidemment, qui se pose très tôt, car l'usine emploie, enfin, le directeur emploie facilement des méthodes de licenciement individuel pour mauvais rendement. C'est des sanctions ou des licenciements viennent assez vite. Et bien sûr, cette question s'intensifie par la suite. Donc ça, on pourrait y revenir justement peut-être après, plus tard, mais pour ce qui est de la cause des femmes en tant que telle, elle n'est vraiment que très rarement abordée, enfin vraiment en tant que telle, mais bien sûr, cet aspect est juste omniprésent. En fait. Enfin, vu que c'est du syndicalisme qui est vraiment... Enfin, là, j'en ai pas parlé, mais évidemment, il y a les permanents syndicaux des unions locales qui sont pas loin, mais c'est vraiment un syndicalisme qui est fait par des femmes, pour des femmes, enfin vraiment... à tout niveau. Donc, évidemment, elles évoquent les cadences, le rendement comme une surexploitation, etc. Quand le problème de l'emploi se pose de manière plus vive dans les années 90, elles écrivent « Non, nous ne retournerons pas à nos fourneaux », etc. Donc, évidemment, c'est des choses qui sont là. Mais globalement, elles se méfient de toute mise en avant d'une forme de spécificité. Et ça, c'est des choses que Margaret Marwani a pu montrer, c'est-à-dire que vu qu'il n'y a pas d'hommes dans l'entreprise, de toute façon, elles n'ont pas besoin de défendre par rapport à d'autres le droit à la parole ou le droit à exprimer leurs revendications, puisqu'elles sont les seules à le faire. Donc ça, en fait, ça limite un peu toute forme de spécificité, d'affirmation un peu. Et en l'occurrence, vu qui elles sont, vu d'où elles viennent et leur socialisation politique, elles vont plutôt mobiliser la cause du mouvement ouvrier. Enfin voilà, elles se sentent appartenir au mouvement ouvrier vraiment, vraiment quoi. Bon, on pourra y revenir après parce que c'est une question assez compliquée. Pour ce qui est des actions collectives, donc il y a de nombreux débrayages, des grèves, donc je vais pas évidemment tout raconter dans le détail, mais bon, des débrayages en soutien à une collègue sont fréquents, donc quand une sanction est jugée injuste, on débraye juste 2 heures, quand voilà. Après il y a les participations aux journées nationales d'action des fédérations. Parce que comme c'est des grosses sections pour le secteur, les fédérations, donc textile, habillement, cuir, à la fois de la CGT et de la CFDT, sont très investies à Chantelle. Les permanents viennent, c'est vraiment... elles ont une visibilité au niveau national en interne assez importante. Donc en 1976, un conflit marquant, parce que c'est un conflit auquel les 3 usines françaises participent, ce qui est assez rare en fait. Généralement, il n'y a pas beaucoup de mobilisation dans les autres usines. Donc là, par exemple, donc l'accord qui sort de ce conflit-là, donc est un conflit d'un mois avec des débrayages de tous les jours à peu près. Augmentation des taux minima, 13e mois augmenté, jour pour enfants malades, paiement de 3 heures pour fête locale, congé payé non affecté par jour de grève, etc. Donc la tension monte à la fin des années 70 avec l'arrivée d'un nouveau directeur, donc qui est vraiment jugé particulièrement insultant, infâme et méprisant. Il tente d'instaurer une discipline plus stricte, il resserre les temps, il augmente les exigences de rendement. Et finalement, il essaye de mettre en place un nouveau mode de contrôle des pièces, une nouvelle organisation du travail qui baisse le rendement des ouvrières. Et donc là, se déclenche le premier gros conflit de l'usine. Donc c'est pendant l'hiver 80-82. Donc ça dure 2 mois. Et donc c'est contre la mise en place de ce nouveau mode de contrôle des pièces. Mais très vite, ça devient vraiment par un ras-le-bol des conditions de travail, des humiliations du directeur, des sanctions. Le cahier de revendications n'arrête pas de grossir au fil du conflit. Donc elles occupent l'usine pendant 5 semaines jour et nuit. La solidarité locale fait vraiment force autour d'elles et elles tiennent par les bons alimentaires de la mairie. Il faut savoir que le maire de Saint-Herblain à cette époque-là, c'est Jean-Marc Ayrault, qui les soutient vraiment beaucoup, qui leur donne des bons alimentaires, leur donne un groupe électrogène pour tenir, etc. Et bien sûr, tous les copains du syndicat et puis les collectes qui sont faites dans les usines du coin. Donc elles fêtent Noël et le Nouvel An dans les locaux et finissent par obtenir un accord, notamment comprenant l'indexation de leur salaire sur le SMIC, l'aménagement donc du contrôle statistique qui voulait être mis en place, des droits syndicaux, l'arrêt du rendement pour les femmes enceintes, donc 2 mois avant leur congé maternité, c'est là qu'elles l'obtiennent. Enfin bon, c'est vraiment un conflit qui a été considéré comme un succès par tout le monde. Donc, je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé, mais... Ouais. Et donc le syndicalisme à Chantelle fait vraiment partie du quotidien, enfin du moins du possible tout le temps, il s'installe et c'est bien que si tout le monde ne participe pas aux actions, ça fait vraiment partie du quotidien. Et si on se concentre sur les plus investies, c'est-à-dire celles qui sont vraiment les leaders ou les délégués ou celles qui ont un minimum de responsabilité, quand elle parle du syndicalisme, évidemment, enfin voilà, elle parle de, d'une école de la vie, d'une dignité conquise, de quelque chose qui enlève la timidité, qui donne de nouveaux horizons, une confiance en soi, etc. Et donc au niveau individuel, les femmes les plus engagées font sens de l'occupation de leur emploi par leur activité militante et investissent leur lieu de travail comme un espace d'engagement et de réalisation de soi. Mais au-delà de ça, en fait, ce que je trouve, c'est que le rapport au travail lui-même qui se trouve transformé. C'est-à-dire que d'un côté, on pourrait dire que l'engagement dans une activité militante ne fait que renforcer le sentiment d'être enfermé dans un travail qu'on n'aime pas. Donc, par exemple, elles mettent en place des stratégies de désinvestissement du travail en mettant en place, par exemple, elles mettent à distance une forme de conscience professionnelle. Donc, par exemple, les déléguées, à un moment donné, ont fait un calcul qu'elles ont essayé de diffuser au maximum dans l'usine en montrant qu'au-delà d'un certain seuil de rendement, les gains en termes de boni étaient vraiment minimes et que du coup, ça ne servait à rien de se tuer à la tâche. Que passer 110-120%, ça ne servait pas, enfin, on gagnait peu à aller au-delà, en fait. Donc, elles ont vraiment essayé d'avoir des stratégies comme ça, de mettre à distance un peu une forme de conscience professionnelle. Et d'un autre côté, un engagement syndical permet de réinvestir le travail autrement. Donc, notamment au CHSCT, on acquiert des connaissances sur le déroulement de la production, elles visitent les ateliers, donc elles vont dans des endroits de l'atelier où elles n'ont jamais été, enfin, elle parle beaucoup de ça, du fait de l'intérêt de comprendre le procès de production d'un bout à l'autre, de comprendre voilà, quel travail elles font, dans quel contexte. Et voilà, de même, au comité central d'entreprise, qui donc réunit toutes les entreprises de France, elles discutent sur les stratégies commerciales de tel ou tel modèle, elles donnent leur avis, elles disent, voilà, moi, tel produit, je le trouve bon, enfin, on le trouve bon, vous devriez le mettre en avant. Enfin, elles tentent un peu de défendre un statut d'experte sur leurs produits. Donc concrètement, ça ne marche pas beaucoup. Enfin, la direction n'est pas forcément beaucoup à l'écoute de leurs conseils. Mais... Enfin, en tout cas, le syndicalisme, c'est une prise de distance aussi, une prise de temps par rapport au travail. Et cette question du temps, évidemment, elle vient questionner la question du travail domestique et du temps domestique. Et donc, s'il est très difficile de savoir, par exemple, le rapport entre nombre d'enfants et engagement ou non dans les luttes, c'est clair que les plus engagés rencontraient des difficultés dans l'aménagement de leur temps. Donc, par exemple, à la CGT, la déléguée syndicale était mariée avec un enfant et son mari, pourtant militant syndical lui-même, n'était pas forcément très heureux de voir sa femme partir par Mons et par Vaux. Et elle revendique cette chose-là, le droit de s'engager dans le syndicat, parfois au détriment de son temps familial. Et elle finira d'ailleurs par divorcer, les tensions étant trop grandes. Mais d'autres limitent leur investissement pour conserver leur temps de travail domestique. Enfin, du moins, c'est quelque chose qui est vraiment structurant. Dans l'équipe de délégués, dans l'équipe des gens qui sont vraiment investis, il y a celles qui mettent en avant leur droit à se syndiquer, à militer, etc., qui, du coup, parfois au prix de tensions dans la sphère privée assez fortes, et d'autres qui, à l'inverse, me disent « Moi, j'ai jamais voulu prendre trop de responsabilités, je voulais garder du temps pour mes enfants. » Et donc, ça crée vraiment un clivage dans l'équipe de militantes. Mais en tout cas, toutes parlent de cette culpabilité de laisser son enfant trop souvent à la nourrice ou chez un membre de la famille, etc. Donc on voit bien que rapport au travail, rapport au syndicalisme et rapport à la famille sont très interdépendants, quoi. C'est qu'on ne peut pas comprendre l'un sans l'autre. Et j'aurais juste, enfin voilà, je me dis peut-être juste l'investissement dans le syndicalisme amène, si ce n'est un désinvestissement, du moins une mise à distance, une mise en question de son investissement à la fois dans le travail et dans la sphère privée. Enfin bref, on pourrait encore beaucoup approfondir cette question-là, mais ce que j'aimerais aussi montrer, c'est qu'au-delà de celles qui s'engagent le plus, c'est que le syndicalisme, enfin, l'activité syndicale qui a Chantelle, change le travail aussi en tant que tel, puisque avec toutes ces luttes-là, il est reconnu de tous et de toutes que Chantelle faisait partie de l'aristocratie de l'habillement. C'est-à-dire qu'en termes de conditions de travail, de salaire, etc., elles sont vraiment toutes d'accord pour dire que c'était plutôt bien. En fait, dans la région, on a la comparaison avec la région choletaise, qui est près de Cholet, une région qui concentre beaucoup d'usines de confection, d'habillement, de textile. C'est vraiment là, pour le coup, le stéréotype des usines rurales qui embauchent une main-d'œuvre qui tourne beaucoup et où les conditions de travail sont vraiment déplorables. Et par rapport à ça, qui est un peu figure repoussoire dans la région, elles disaient qu'elles avaient plutôt une bonne condition de travail. Et elles sont fières, en fait, de dire, voilà, Chantelle, c'était pas vraiment l'usine, que quand ce directeur est arrivé en 81, qu'il a voulu remettre de l'ordre dans tout ça, il a échoué. Une ouvrière me dit qu'il a voulu faire la même chose qu'à Lorient, où ça file droit, mais il ne pouvait pas faire ça avec des filles qui avaient autant d'ancienneté. Et donc on voit bien que c'est à l'emploi qu'elles sont attachées, c'est-à-dire à tout ça. Et, et qu'elles sont vraiment fières d'avoir pu conquérir le, voilà, cette, ces conditions de travail plutôt favorables. Et que c'est qu'en fait, je voulais juste dire que le syndicalisme attache à l'emploi aussi, quoi. Parce qu'il permet un investissement du lieu de travail au-delà du travail, un sentiment d'autonomie, de reconnaissance aussi. Et elles sont fières de pouvoir dire qu'elles ont conquis elles-mêmes ces droits-là. Et en plus, c'est d'autant plus vrai peut-être que le syndicalisme attache à l'emploi dans le cas de femmes, parce qu'on pourrait dire que les plus engagées, les déléguées syndicales, etc., pourraient avoir des portes de sortie dans le syndicat, et qu'en l'occurrence, non, puisque même les plus engagées à Chantelle, on ne leur a jamais proposé un poste de permanent syndical. Ils n'ont jamais eu de porte de sortie de ce côté-là. Et donc, vraiment, elles sont concentrées leur action militante sur l'usine. Donc tout est interdépendant en fait, c'est que c'est parce qu'elles sont liées par des réseaux d'interconnaissance, une relativement faible différenciation du travail que la dynamique syndicale a si bien marché, mais c'est parce qu'elles ont lutté qu'elles ont maintenu des conditions de travail pas trop mauvaises, et c'est parce qu'elles ont des conditions pas trop mauvaises qu'elles peuvent continuer à militer et avoir une vie collective au travail. Donc voilà, c'est vraiment tout un processus, je pense, qui se met en place petit à petit, qui fait que ces femmes-là s'installent dans l'emploi et dans cet emploi-là. Bon, faut pas idéaliser non plus, hein, parce que le syndicalisme, ça divise aussi beaucoup, hein, le collectif. Notamment le conflit 80 a été très conflictuel. Bon, j'essaie d'avancer un peu plus vite, parce que j'aimerais bien reprendre un peu le fil chronologique un peu de l'histoire de l'usine. Donc sur la période qui va de 1981 à 1994, c'est un moment où le travail change. C'est-à-dire que le collectif de travail là, se stabilise complètement, donc autour de 200 personnes. Les ouvrières, à ce moment-là, elles ont une trentaine d'années, des enfants en bas âge. Et Chantelle commence alors à délocaliser sérieusement sa production, à passer de la production à la distribution, etc. Enfin bon, à connaître une évolution assez classique pour le secteur. Et donc il y a vraiment un désengagement assez lent mais très visible de l'usine nantaise, puisque bien sûr, enfin, après tout ce que je viens de dire, au niveau du groupe, l'usine de Nantes était vraiment le mauvais petit canard, quoi. Enfin, c'était l'usine dont on voulait se séparer au plus vite. Donc, des plans de réduction des effectifs, on ne dote plus de nouveaux modèles à l'usine de Nantes. Le chômage partiel devient fréquent. Par ailleurs, on incite de plus en plus les ouvrières à la polyvalence. Donc, les volantes sont déclassées. Et donc, on leur demande de plus en plus de travailler sur plusieurs postes en même temps. Ce qui crée des jalousies des concurrences, parce que, bien sûr, il y a des arrangements qui sont faits avec la maîtrise par rapport à ça, qui sont un peu arbitraires. Mais en tout cas, ce qui ressort de tout ça, c'est que l'ambiance dans l'atelier est changée, que c'est plus tendu, que la discipline est plus stricte, etc. Par ailleurs, la santé devient de plus en plus un enjeu syndical fort, parce que les filles ont vraiment des problèmes de dos, des hernies discales, des sciatiques, des lombalgies, des torsalgies, dues à un mauvais positionnement sur les machines. Et la direction a tendance à sanctionner assez vite sur cette question-là, et à difficilement reconnaître les maladies professionnelles. Donc ça devient un enjeu assez fort. Donc ça, c'est pareil, quand on dit qu'on ne reconnaît pas, qu'on ne donne pas de primes ou qu'on ne reconnaît pas de qualifications aux femmes, des maladies professionnelles de ce type-là sont aussi difficilement reconnues. Donc le médecin du travail essaie de se battre pour... Il y a un travail qui est fait beaucoup par les représentants avec le médecin du travail pour essayer de travailler là-dessus, mais concrètement, la direction est assez fermée à toute forme de mise en place de postes aménagés. Et puis bien sûr, l'emploi devient de plus en plus un cas, enfin quelque chose qui ressort comme difficile. Donc je passe assez vite, mais bon, le chômage partiel continue, etc. Bon, il y a des tensions aussi en interne par rapport au débrayage qui deviendrait un peu plus facile, parce que en fait, dans cette période d'intensification du travail, la différence entre celles qui justement continuent à être sur un mode de débrayage systématique, etc., donc, notamment dans une période de sanctions beaucoup comme ça, notamment il y a des débrayages par exemple pour des femmes qui sont sanctionnées pour être arrivées en retard par exemple. Et moi, j'ai des femmes qui me racontent que ça leur pose problème, parce qu'elles disent, voilà, le travail, ça devient dur, nous, on essaie de venir à l'heure tous les jours, et donc moi, débrayer pour quelqu'un qui arrive en retard, c'est pas possible. Donc il y a des tensions qui se créent, en fait, l'intensification du travail de plus en plus dur, en fait que le collectif militant qui pouvait être vraiment soudé connaît des tensions aussi sur ce genre de position. Voilà, donc il y a vraiment cette ambiance-là, mais en novembre 93, Chantelle annonce la fermeture de l'usine de Nantes. Donc là, s'engage un conflit d'un an, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça dure un an, donc elles ne se mettent pas en grève totale, mais de toute façon, on ne leur donne plus de travail, mais elles cherchent les soutiens des élus locaux, de l'inspection du travail, de la presse, Il y a une bataille sur les chiffres, après il y a une bataille juridique. Elles font des manifestations, notamment à Paris. Elles envahissent le salon de la lingerie. Elles essayent de venir à l'Élysée. Et les 200 filles de Chantal qui se sont alors sont vraiment mobilisées. Donc là, par exemple, les gens des bureaux qu'on ne voyait jamais, les mécaniciens, tout le monde se retrouve dans la lutte. Bon, avec plus ou moins un investissement important, évidemment, mais en tout cas, c'est un conflit vraiment réunificateur. Et donc pour ce qui est des reclassements, parce que j'aimerais quand même avoir le temps un peu de parler de ça, donc il y a 40 emplois Chantel qui sont maintenus à Couëron, ça je vais y revenir. Après il y a des départs en pré-retraite, des reclassements en interne à Lorient. Il y en a qui prennent ce qu'on appelle la valise, donc des congés de conversion, des conventions de conversion, etc. Et il y en a qui sont, donc il y a un repreneur, c'est-à-dire quelqu'un qui est justement dans le Choletais, qui reprend, Chantel s'engage à sous-traiter une partie de sa production à ce repreneur-là pendant quelques années. Juste pour revenir un peu là-dessus, c'est à ce moment-là, en fait, quand on est une ferme, qu'on se rend compte de l'attachement à l'emploi. Et du coup, les discours sont assez forts à ce niveau-là. Des femmes qui sont vraiment, qui n'envisagent absolument pas d'arrêter de travailler à la fermeture de l'usine. Donc, pour savoir, elles ont à peu près 40-45 ans à ce moment-là. Donc, elles disent, il faudra que je me rende utile, qu'elles ne comprennent pas les femmes au foyer, comment est-ce qu'on peut s'épanouir en restant chez soi, etc. Donc, il y a vraiment un attachement à la fois positif, c'est-à-dire qu'on est attaché aux collègues, aux avantages acquis, etc. Et négatif aussi, puisque, évidemment, elles ont conscience que ce sera très dur de trouver un travail ailleurs, après une carrière de mécanicienne en confection. Donc, d'une part, la fermeture, c'est en effet le collectif de travail qui se délite. Donc, là, je cite une ouvrière qui dit « C'est ça le pire, parce que moi, je trouve qu'on arrive à un stade où, pour peu, c'est nous qui sommes la famille. On a une famille extérieure, mais notre vraie famille, c'est bête à dire, mais elle est là. » Et donc, évidemment, c'est à nuancer, parce que tout le monde n'a pas cette expérience-là, mais du moins, moi, j'essaye par ailleurs d'engager une réflexion sur l'espace privé, l'espace public, comme quoi l'espace de travail peut aussi devenir un espace privé dans ces conditions-là, un espace de lien affectif, etc. Ce qui revient souvent, c'est qu'évidemment, sur le marché du travail, elles ne valent rien, c'est ce qu'elles disent par rapport aux jeunes diplômés. Donc, elles ont en effet 40-45 ans à ce moment-là. Si elles sont fières de leur autonomie dans le travail, de leur ancienneté, elles n'arrêtent pas de dire que l'usine de Nantes, c'est dommage parce que c'était elle qui faisait la meilleure qualité du groupe, etc. Elles expérimentent vraiment de plein fouet cette tension entre le sentiment d'avoir un savoir-faire et de le voir nié, de se rendre compte qu'il est tellement spécifique qu'il n'est juste pas reconvertible dans le marché du travail. Elles se rendent compte qu'en dehors de Chantel, où elles avaient les avantages de l'ancienneté, de la stabilité, de l'emploi, elles ont peu. Le marché du travail ne leur reconnaît que peu de qualifications. Donc plusieurs profitent de. Donc pour ce qui est de reclassement, vraiment, j'ai peu d'informations vraiment fiables, mais concrètement. À peu près 30% sont allés chez le repreneur, 20% sont restés à Chantel, et puis le reste, je ne sais pas. Donc pour ce qui est du repreneur, rapidement, donc c'est dans Choletais, donc là, elles expérimentent des conditions de travail qui n'ont rien à voir. Elles se retrouvent les mêmes ouvrières, c'est une soixantaine de filles, exactement de la même usine, mais rien n'est comme avant, donc elles font des articles au Chantel, mais elles font aussi d'autres articles. Les temps n'ont rien à voir, c'est beaucoup plus dur. Et en plus, elles disent qu'il n'y avait plus du tout d'entraide, que c'était chacun pour soi, qu'il y a eu un embryon de section syndicale CFDT, mais que ça n'a pas pris. Donc, ce qui montre bien que les mêmes filles, mais dans une toute autre configuration du travail, la solidarité ne se met pas forcément en place. Donc, cette usine ferme en 2001. Et puis, d'autres aussi se reconvertissent dans l'aide à la personne. Et donc là, elles disent qu'elles sont confrontées à d'autres réalités du travail, notamment à la précarité du statut. Donc d'un côté, elles disent qu'elles sont contentes d'avoir arrêté l'usine et le rendement, mais en même temps, elles disent toutes que ce qui leur manque, c'est la relation entre collègues et le collectif du travail, qui est moins fort dans ces emplois, souvent aux horaires discontinus et aux unités de travail plus réduites. Donc juste pour finir rapidement sur l'usine de Couëron, donc, qui ouvre en 95 et qui ferme en 2005. Donc je passe, mais bon, donc elles sont une quarantaine d'ouvrières au début, elles ne sont plus que 27 à la finale. Donc concrètement, les absences maladie ne sont pas remplacées, il n'y a aucune embauche qui est faite. Donc elles voient les effectifs baisser petit à petit, elles commencent toutes à atteindre 50, 55 ans. Donc elles savent bien que de toute façon cette unité-là est en sursis. C'est vraiment quelque chose qu'elles ont conquis pendant la lutte de la première fermeture. Chantel n'avait pas du tout l'intention de faire ça à la base. Mais elles espèrent maintenir le site jusqu'au bout, donc elles se donnent vraiment, et dans des conditions de travail difficiles, elles essayent au maximum de garder ce travail-là. Et en fait, quand l'usine est quand Chantel annonce la fermeture de l'usine en 2004, elles se battent encore pendant un an, donc elles ne sont plus que 27. Donc là, se voit vraiment l'importance de les capitales symboliques qu'elles ont accumulées au fil des années, puisque enfin, je ne pense pas que la presse ou les politiques ou les syndicats se seraient mobilisés pour elles à ce moment-là. En 2005, une petite usine de 27 personnes qui ferme, si elle n'avait pas eu cette histoire-là avant. Jean-Marc Ayrault, qui du coup, entre-temps était passé à Nantes, mais avait continué à les soutenir, est intervenu à l'Assemblée nationale encore en 2005 pour les soutenir, etc. Après l'effet que ça a, on ne sait pas, hein, mais bon, voilà. Donc elles bloquent la production, elles bloquent des machines, elles séquestrent leur production, c'est-à-dire qu'elles produisent, elles continuent à produire, mais qu'elles gardent les soutiens-gorge chez elles. Elles bloquent des machines qui étaient censées partir à l'étranger pour les garder, etc. Mais bon, elles finissent par, enfin, l'usine finit par fermer. Donc beaucoup de pré-retraite, forcément, quelques mutations en interne, et puis des licenciements, évidemment. Et donc, finalement, ce qu'elles disent, c'est que perdre leur emploi à ce moment-là, finalement, bon, elles sont déçues de ne pas pouvoir être allées jusqu'à la retraite, mais elles ont tout un âge à ce moment-là où c'est quand même plus ou moins l'âge de la retraite. Donc, ce qui vraiment ressort plutôt, c'est la perte de l'activité syndicale qui s'est tellement concentrée sur l'usine en tant que telle que, du coup, quand l'usine ferme, beaucoup de ces femmes-là me disent qu'elles ont du mal à trouver une autre activité syndicale, enfin, une autre activité même militante qui puisse faire sens pour elles. Voilà. Mais qu'en même temps, c'est comme Margaret Mawani et Annie Borzex quand elles retournent voir les filles de la CIP dans le Nord, une usine qui avait été en grève aussi dans les années 70, et qu'elles y retournent quelques années plus tard pour voir ce qui reste. Ce qui reste après la grève, bah, clairement, c'est un rapport au monde. Et du coup, ce que je trouve assez drôle, c'est qu'elles me parlent beaucoup de leurs enfants, qu'elles ne trouvent pas du tout assez militants, et qu'elles essaient de les booster pour qu'ils se battent, et qu'elles trouvent que les nouvelles générations sont vraiment... Et donc voilà, elles disent ça, quoi, que c'est ça qui reste aujourd'hui, mais sans, voilà, c'est ça qu'elles mettent en avant aujourd'hui. En tout cas, moi, ce travail-là, ce que je vois, c'est que vraiment, c'est imbriqué, quoi, tout ça. Travail, syndicalisme, famille, on peut pas penser ça séparément. Mais ce qui est difficile, c'est que même sur un cas si petit comme ça, c'est qu'il y a vraiment des expériences qui sont tellement différentes entre celles qui sont très engagées, celles qui sont peu, celles qui sont pas, celles qui sont des enfants ou pas. Mais voilà. L'histoire de Champagne.